Le porte-parole du Conseil de la réconciliation nationale a publié le 25 un entretien. En voici le résumé. Il y a quelques jours, Pakone a appelé quelques personnes à la cérémonie de remise des cartes de nomination en nouvelles fonctions politiques à la Maison Bleue. Elle a distribué les cartes aux préfets de 5 provinces du Nord avant de se faire photographier avec eux. C'est le déroulement de sa frénésie en confrontation fratricide invétérée et la ruse d'apaiser l'esprit de lutte de la population et de survivre tout en montrant comme si elle traite elle-même les affaires d'État. Comme le monde le sait, Pakone caresse dès le premier jour du pouvoir jusqu'à aujourd'hui le rêve d'unification par absorption, bien qu'elle soit aux abois irrémédiables. Donc, la remise des cartes de nomination des 5 préfets du Nord en fait partie. C'est une rengaine des gouvernants sud-coréens qui s'affairent à la confrontation avec notre pays en faisant bruit de la sécurité chaque fois que leur domination est en crise. Les démarches de Pakone ne résultent que l'accélération de sa vie misérable.